les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Assassinat, tentative d'assassinat en fait, et vol de documents. Une clé qui ne quittait jamais les Stangerson, père et fille. Cette clé, l'avait-elle dans sa chambre, Mathilde Stangerson? Dans cette chambre qui, lorsque Rouletabille y pénètre, fait ressurgir soudain le parfum de la dame en noir. Mais cela sera une autre histoire, ou la même, ou la suite. Bref, pas de confusion, nous sommes bien, pour l'instant, dans le mystère de la chambre jaune. Quelle intrigue! Intrigue et clé d'intrigue. Rouletabille est au meilleur poste d'observation possible, ou Glandier. Et puis, il y a une histoire de Cannes. Et puis, on reviendra sur la fameuse phrase « Le presbytère n'a rien perdu de son charme ». Et puis sur le parfum, celui de la dame en noir, bien sûr. Voici les épisodes 10 et 11 du feuilleton « Le mystère de la chambre jaune », diffusé pour la première fois sur France Culture les 12 et 15 août 1983. Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rèze. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Je vous prie de m'excuser, Monsieur Stangerson vient d'être cruellement éprouvé à deux reprises. Je m'en voudrais de l'importuner, mais j'estime nécessaire pour faire progresser l'enquête de lui poser au moins une question concernant la clé à tête de cuivre qui ferme le meuble où étaient enfermés les documents volés. Que voulez-vous savoir, Monsieur Rouletabille? Voudriez-vous, Monsieur le juge, demander à Monsieur le professeur Stangerson qui avait la garde de cette clé? Mais c'était ma fille, et cette clé ne la quittait jamais, absolument jamais. Ah, mais voilà qui change du tout au tout l'aspect des choses, et qui ne correspond plus avec la conception de M. Rouletabille, car enfin, si cette clé ne quittait jamais Mlle Stangerson, l'assassin l'aurait donc attendue dans sa chambre cette nuit-là. Et dans ces conditions, le vol n'aurait eu lieu qu'après la tentative d'assassinat. Puissamment raisonné, mon cher de Marqueuil. Oui. Mais après cette tentative, il ne pouvait pas voler les documents qui se trouvaient dans le meuble bibliothèque du laboratoire, puisque quatre personnes se trouvaient justement présentes devant le laboratoire. Oui, décidément, je n'y comprends plus rien. Plus rien du tout, c'est insensé, je comprends. Et pourtant, monsieur le juge, le vol ne peut avoir eu lieu qu'avant l'agression. Ça, c'est indubitable pour la raison que vous croyez et pour d'autres raisons que je crois. Et quand l'assassin a pénétré dans le pavillon, il était déjà en possession de la clé à tête de cuivre. Enfin, monsieur Rouletabille, ce n'est pas possible. Si, monsieur le professeur. Et en voici la preuve. Voilà. Vous avez devant vous un numéro de mon journal, L'Époque, daté du 21 octobre. N'oublions pas que le crime a eu lieu dans la nuit du 24 au 25. Hein? Oui. Je lis, rubrique de petites annonces. Il a été perdu hier matin dans les grands magasins du Louvre un petit sac de satin noir contenant divers objets, dont une petite clé à tête de cuivre. Forte récompense est promise à la personne qui la rapportera au bureau de poste numéro 40, poste restante, dans une enveloppe portant mention M-A-T-H-S-N. Et cela veut dire quoi, selon vous? Ces lettres désignent à l'évidence Mademoiselle Mathilde Stangerson. Cette clé à tête de cuivre, n'est-elle point cette clé que voici? Que voulez-vous, je lis toujours les petites annonces. Dans mon métier, comme dans le vôtre, monsieur de Marquet, faut lire les petites annonces personnelles. Ce qu'on peut y découvrir d'intrigue, et de clé d'intrigue, qui ne sont pas toujours à tête de cuivre, mais qui n'en sont pas moins intéressantes. J'aimerais, cher monsieur Rouletabille, que vous nous entreteniez clairement de vos recherches. Eh bien, écoutez, reprenons cette annonce. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le mystère dont s'entourait cette femme. Elle avait perdu une clé. Bon, c'est un objet peu compromettant, s'il en est. Et pourtant, comme elle y tenait à cette clé. Forte récompense. Et puis ces lettres. M-A-T-H-S-N. Les quatre premières révélaient tout de suite un prénom. Bon. Et le 21 octobre, j'avoue n'avoir pas su quoi penser des deux dernières. Mais lorsque 5 jours plus tard, les journaux, dont le mien, titrèrent sur d'énormes manchettes « Tentative d'assassinat sur Mathilde Stangerson au château du Glandier », alors là, tout se remet en place dans ma tête et je me rendis au bureau 40, poste restante. Bonjour, bonjour, madame. À quel sujet? Voilà, je voudrais savoir si vous avez une lettre adressée à M-A-T-H-S-N. Non. Ben, comment non? Comment pouvez-vous dire? Vous n'avez même pas regardé. C'est non quand même. Ah bien. S'il vous plaît, madame, c'est très important, permettez-moi d'insister. On peut dire que vous êtes crampon, vous. Je vous dis qu'il n'y a plus de lettres. C'est sûr, elle est venue ici, mais je l'ai donnée il y a 3 jours à une dame qui me l'a réclamée. Ah. Aujourd'hui, c'est vous. Et avant-hier, c'est un homme qui est venu me la réclamer aussi. Oh, il était moins poli que vous, c'est sûr. Enfin, quand même, moi, je commence à en avoir assez de cette blague. Mais hélas, je crains qu'il ne s'agisse pas d'une blague, madame, comme vous dites. Auriez-vous la gentillesse de me décrire les personnes qui sont venues réclamer cette lettre? Vous êtes de la police? Ah non, bien sûr que non. Alors, moi, j'ai rien à vous dire. Et puis, dégagez le guichet, s'il vous plaît. Il y a des gens qui attendent. Très bien. Voilà, vous savez tout. Donc, pour voler les documents, l'assassin avait besoin de cette clé. Et pour la posséder, il lui fallait tuer Mathilde Stangerson. Pour autant que Mademoiselle Stangerson ait eu la clé à cet instant. Or, d'après ce que je viens de vous dire... Mais qui voulez-vous qu'il ait, si ce n'est-elle? L'assassin, tout bêtement. L'assassin. C'est impossible. Ingénieux, mon cher Rouletabille, mais peu vraisemblable. Et pourtant, ma démonstration est sans faille. Il peut également s'agir d'une coïncidence frappante. Non, je ne le crois pas. Qui est cette femme qui a récupéré la lettre? Qui est l'homme qui la voulait également? Moi, bien sûr, je suis arrivé trop tard. Alors, je... Mais l'explication est simple, messieurs. Il est certain que ma fille aura perdu sa clé et son petit sac. Elle n'aura pas voulu m'inquiéter. Et c'est pourquoi il y a eu cette annonce. Pardonnez-moi, professeur. Tout à l'heure, lorsque vous avez découvert le vol, vous vous êtes écrié « Encore une fois, je suis volé ». Ce n'était donc pas la première? Non. Hein? Non, la première fois, ce fut à Philadelphie, il y a de nombreuses années. Puis-je vous demander quelle était la nature du vol? On a volé dans mon laboratoire privé 2 inventions que je tenais secrètes et qui auraient pu favoriser grandement l'essor économique d'une nation. Qu'avez-vous fait? Je n'ai jamais su qui était le voleur, mais je n'ai plus entendu parler de l'objet du vol, car pour déjouer les calculs de celui qui m'avait honteusement pillé, j'ai lancé moi-même ces 2 inventions dans le domaine public. Je perdais le fruit de mes inventions, le voleur, lui, n'y gagnait rien. Depuis cette époque, je suis devenu très soupçonneux, aussi je m'enferme hermétiquement quand je travaille, d'où les barreaux de ces fenêtres, l'isolement du pavillon, ce meuble que j'ai fait construire moi-même, cette serrure spéciale et cette clé unique. Tout cela est le résultat de mes craintes inspirées par une triste expérience, messieurs. Où craint-on moins le vol si ce n'est dans une prison? Intéressant. Et vous n'avez pas eu de nouvelles du petit sac de satin noir? Aucune. Vous pourrez poser la question à ma fille. Toutefois, vous pouvez nous dire si elle s'est rendue à Paris le 23 octobre. Elle est retournée à Paris. Et la première fois, le 20 octobre, elle était accompagnée de Robert Darzac. C'est exact, monsieur Darzac? Parfaitement exact. Et depuis le 20 octobre, je ne suis pas revenu au château. Pensez que nous vivions cloîtrés, ma fille et moi, et que cela n'a rien empêché. Entrez. Je ne voudrais pas être importun, monsieur le juge. Du tout, monsieur Larson, du tout, du tout. Entrez, entrez. Je vous apporte les chaussures de l'assassin. Oh, ça n'est pas possible. Vous les reconnaissez, Père Jacques? Ça, par exemple. Mais c'est des vieilles chaussures à moi. Oui, que j'avais mises au rebut dans un coin du grenier. Vous parlez d'une surprise. Pardon. Vous pouvez me montrer ce mouchoir? Je veux bien. Je m'en suis déjà servi. Ah non, mais aucune importance. Eh bien, voilà un mouchoir qui ressemble étonnamment à celui que nous avons trouvé dans la chambre jaune. Oui, ben je le sais bien. Oui, mais qu'est-ce qui ressemble le plus à un mouchoir si c'est pas un autre mouchoir, hein? Et pour conclure, le vieux béret basque trouvé également dans la chambre jaune. Il aurait très bien pu coiffer la vieille tête du père Jacques. Eh ben si, oui, c'est vrai ce qu'il dit. Mais oui. Et j'en ai un tout pareil. Mais sacré nom d'un petit bonhomme. Non, mais précisez votre pensée, monsieur Larson. Eh bien, messieurs, tout ceci prouve, selon moi... Alors, remettez-vous, père Jacques. Tout ceci prouve que l'assassin a voulu déguiser sa propre personnalité. Il l'a fait d'une façon assez grossière, ou du moins qui nous paraît telle, parce que nous sommes sûrs que l'assassin n'est pas le père Jacques. Mais, puisqu'il n'a pas quitté le professeur Stangerson. Mais imaginez que ce soir-là, le professeur n'ait pas prolongé sa veille et ses travaux. Qu'après avoir quitté sa fille, il ait regagné le château. Que Mathilde ait été assassinée alors qu'il n'y avait plus personne dans le laboratoire. Et que le père Jacques dormait dans son grenier. Eh bien, messieurs, il n'aurait fait de doute pour personne que le père Jacques était l'assassin. Celui-ci ne doit son salut qu'au fait que le drame a éclaté trop tôt. L'assassin ayant cru, sans doute à cause du silence qui régnait dans le laboratoire, que ce dernier était vide et que le moment d'agir était venu. Monsieur Larson, vos déductions sont aussi brillantes que celles de monsieur Rouletabille. Mais où cela nous mêle-t-il? L'homme qui a pu s'introduire aussi mystérieusement que facilement ici est, à n'en pas douter, un familier de la maison. À quelle heure exactement s'est-il introduit? Dans l'après-midi, dans la soirée? Je ne saurais apporter là-dessus la moindre précision. Je dis simplement qu'un être aussi familier des choses et des gens a dû pénétrer dans la chambre jaune à l'heure qu'il a voulu. Oui, mais c'était quand même impossible quand le laboratoire était occupé. Allez donc savoir. Il y a eu le dîner dans le laboratoire, le va-et-vient du service. Il y a eu également l'expérience à laquelle s'est livré le professeur. Elle a tenu Mathilde Stangerson, le père Jacques et le professeur autour des fourneaux pendant environ une heure. Dans ce coin de la haute cheminée, qui me prouve que l'assassin, un familier, j'y insiste, n'a pas profité de ce moment pour se glisser dans la chambre jaune après avoir retiré ses chaussures dans les toilettes. C'est hautement improbable. Puisque vous le dites. Mais reconnaissez que ce n'est pas impossible. Je n'affirme rien. Quant à la fuite de l'assassin, c'est autre chose. Comment a-t-il fait? Ben oui. Mais le plus naturellement du monde. Comment? Que dites-vous, Larson? Monsieur le chef de la sûreté, je ne suis pas entré dans la chambre jaune. Mais j'imagine que vous avez acquis la preuve qu'on ne pouvait en sortir que par la porte. Oui. Eh bien, c'est par la porte que l'assassin est sorti. Ah, oui, non, on l'aurait vu. Ah oui, non, je reconnais. C'est troublant. Mais puisqu'il est impossible qu'il en soit autrement, il faut bien que cela soit. Il a commis son crime et il est sorti par la porte. Oh. Mais c'est... Enfin, à quel moment? Eh bien, au moment où cela devient le plus plausible. Tellement plausible qu'il ne saurait y avoir d'autre explication. Examinons, si vous le voulez bien, messieurs, les instants qui ont suivi le crime. Nous avons, premièrement, l'instant où se trouve devant la porte le professeur et le père Jacques, prêts à lui barrer le chemin. Oui. Deuxièmement, l'instant où le professeur est seul, le père Jacques est allé chercher du secours. Troisième instant, le professeur est rejoint par Bernier et sa femme. Quatrième moment, le père Jacques revient. Et enfin, tout le monde est là, on enfonce la porte. Donc pour vous, monsieur Larsan, si je comprends bien, le meilleur moment est celui où il y avait le minimum de monde devant la porte. Exactement. À moins d'admettre la complicité silencieuse du père Jacques. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas, car alors... Il ne serait pas sorti du pavillon pour aller examiner la fenêtre de la chambre jaune s'il avait vu s'ouvrir la porte et sortir l'assassin. Non, la porte s'est ouverte devant le professeur seul et l'homme est sorti. Enfin, c'est invraisemblable. Non, je ne crois pas. Messieurs. Messieurs, sur mon honneur et sur la tête de ma fille, je jure n'avoir point quitté cette porte de l'instant où j'ai entendu les appels de Mathilde. Je jure que cette porte ne s'est point ouverte pendant que j'étais seul dans le laboratoire et qu'enfin, quand nous pénétrâmes dans la chambre jaune, les domestiques et moi, l'assassin n'y était plus. Je jure également que je ne connais pas l'assassin. Je pense que nous pouvons arrêter là cette... conversation. Je pense également que nous pouvons nous retirer. Professeur Stangerson. Oui. Moi, je vous crois. L'article est tout fait, je n'ai plus qu'à l'écrire. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est de vous? Toujours deux questions en une seule, hein? Bravo. Ben, je réponds. Ça ne veut rien dire du tout et c'est pas de moi. Bon, alors de qui est-ce? d'un auteur inconnu, méconnu et parfaitement oublié du début du siècle. Hippolyte Branche. Ah. Oui, il mettait un point d'honneur à ce qu'on le considère comme le contraire de Racine. Mais il n'a pas dû avoir beaucoup de problèmes. Non, j'ose ne vous serai jamais sérieux. Ami, laissez donc, je vous prie, le sérieux aux imbéciles. C'est leur seule chance de pouvoir s'en tirer. Cela dit, je trouve que le juge de Marquet a innové une nouvelle façon de parler que je trouve très intéressante. Mmh. Ah oui, de Marquet ne comprend rien à cette histoire, mais il a mis en mouvement un processus. Et vous avez appris des choses intéressantes au cours de cette parlotte incroyable? Franchement, parler non. Les faits sont ce qu'ils sont. Par contre, les hommes ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. Allons bon. Et c'est encore de l'Hippolyte Branche, je suppose. Non, mon ami, non, c'est pas de l'Hippolyte Branche, c'est tout simplement du bon sens. Ah. Et oui, si on accepte les caprices du destin, qui valent bien ceux de Marianne entre nous, ce sont les hommes qui font les faits, hein? Alors, pour connaître les faits, il suffit donc de connaître un peu mieux les hommes. Installé au château du Glandier, grâce à l'inexplicable hospitalité de Robert Darzac, vous occupez, mon petit Joseph, un poste d'observation de premier ordre. Dites-moi franchement... À qui vous le devez? Mon bon maître, si vous voulez vous rendre à la gare d'Épinay-sur-Orge, oui, sans pour autant gâter une superbe promenade à pied par la crainte de manquer le train de Paris, oui, il est grandement temps de partir. Je vous accompagne. Bon, je viens, je viens. Oui, Sinclair, Larsan est réellement très fort. Ouais, j'ai eu également cette impression. Ah, il n'a pas volé sa réputation, le bougre. Vous savez comment il est arrivé à retrouver les souliers du père Jacques? J'avoue que je ne vois pas. Ah, écoutez bien ça. Près de l'endroit où nous avons marqué les traces de pas élégants, vous vous souvenez, et la disparition de l'empreinte des chaussures grossières, oui. Eh bien, il y avait un creux rectangulaire dans la terre fraîche et qui attestait la présence récente d'une pierre. Oui. Or, Larsan n'a pas trouvé cette pierre et il a imaginé tout de suite qu'elle avait servi à l'assassin pour maintenir au fond de l'étang les souliers dont il voulait se débarrasser. Ah. Remarquez, son calcul était excellent et le succès de ses recherches l'a prouvé. Et voilà, et disons qu'à moi, ça a échappé. Je me méfiais de tous les faux indices laissés derrière lui par l'assassin pour faire retomber les soupçons sur le pauvre père Jacques. Enfin, bref, voilà. Sommes arrivés, Larsan et moi, aux mêmes conclusions, seulement maintenant, nous ne sommes plus d'accord. Et ça risque d'être terrible, car Larsan, de bonne foi, s'en va tout droit à l'erreur. Et alors là, je ne possède absolument rien pour le faire changer d'idée. Vraiment? Rien du tout? Rien, mon bon Sinclair. Mais est-ce vraiment rien que de combattre avec l'idée? Vous avez rien entendu? Non, non. Ben, alors, il dit comme des sortes de gémissements, des gémissements étouffés. Attendez, chut. Laissez-vous une seconde, Sinclair. Notre mariage est impossible maintenant. C'est la voix de Mathilde Stangerson, ça. Nous sommes sous sa fenêtre. Oh, écoutez. Robert. Ah oui, cette fois, j'ai entendu. Pauvre Robert. Qu'est-ce qu'elle a dit? Pauvre Robert. En clair, ça veut dire pauvre Darzac, ça. Sinclair, si nous pouvions savoir ce qui se dit dans cette chambre, l'enquête serait pratiquement terminée. Venez. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Une chose très simple. Puisqu'on ne peut pas entendre, nous allons au moins essayer de voir. Mais qu'est-ce que vous avez encore inventé? Vous n'avez pas la prétention de... Mais si, mon ami, justement, j'ai la prétention d'être indiscret. Je vais grimper dans cet arbre et regarder ce que font Mathilde et Robert. Oh. Ah ben oui, d'autant qu'ils se croient seuls. Mais je sais, ça n'est pas conforme au canon d'une enquête normale, mais... Mais disons que c'est pas joli, joli. Oh, Sinclair. Ouais. Restez digne, l'assassin fera le reste. Oh. Montez donc, mon jeune ami. Vous attendez. Je vous en prie, monsieur Larsan, vous étiez là avant moi. Alors, ne soyez pas bête. Oui, alors redescendons tous les deux. Eh ben, pour une surprise, c'est une surprise. Bonjour, maître Sinclair. Malicieux, notre ami Rouletabille. Hein? Il a eu la même idée que Frédéric Larsan. Nous avons vu la même chose. Rien ne dit que nous en avons tiré la même conclusion. Où je me trompe fort, Robert Darzac est maître en hypocrisie. Mais pourquoi? Il suffit de l'avoir vu au genou de Mademoiselle Stangerson pour en être convaincu. Cet homme possède un art diabolique pour feindre les sentiments. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Oui, Robert Darzac a toujours dit, clamé son amour et son attachement pour Mathilde Sanderson. Cher Rouletabille, vous êtes, à n'en pas douter, très intelligent. Mais votre jeunesse, comment dire, vous dessert dès lors qu'il s'agit de juger des sentiments complexes de l'homme mûr. Bien, séparons-nous là. Voulez-vous? Très volontiers. Monsieur Larsan. Je vous écoute. Arrive-t-il aux hommes mûrs d'oublier leur canne dans un arbre? Il vaudrait peut-être mieux que l'on ne sache point qu'ils s'y sont trouvés. Ah non, d'un petit bonhomme. Ma canne. Ah ça alors. Merci, Rouletabille. Je vous en prie. À propos, avez-vous remarqué cette canne, Sinclair? Non, ça ne m'a pas frappé. Ah, c'est une canne neuve. Que je ne lui ai jamais vu avant. Il a l'air d'y tenir comme à la prunelle de ses yeux, il ne la quitte pratiquement jamais. On dirait même qu'il a peur qu'elle tombe entre des mains étrangères. Où a-t-il bien pu trouver cette canne-là? Écoutez, Joseph, vous faites subitement bien des embarras à propos d'une simple canne. Ouais, c'est que j'avais encore jamais vu Frédéric Larsan avec une canne. Or, il donne l'impression de ne plus pouvoir s'en passer. Vous vous souvenez de notre arrivée au château du Glandier? Pas comme si c'était hier. Bon, quand Frédéric Larsan nous a aperçus, il a remis sa montre dans sa poche et a ramassé sa canne qui était sur le sol. C'est un geste naturel auquel je n'ai attaché aucune importance, sans doute à tort. Enfin, Joseph, vous venez de dire à l'instant un geste naturel. Larsan est arrivé au Glandier avant nous. Il a commencé son enquête tout de suite et il a dû prendre quelques distances sur nos investigations. Il a eu tout le temps d'apprendre des choses que je ne sais pas, et de voir, d'entendre. Où a-t-il trouvé cette canne? Mais j'en ai pas la moindre idée. Il est indéniable que ses soupçons se portent sur Robert Darzac. Pourquoi? Comment? Il doit posséder, toucher quelque chose qui le renforce dans cette idée. Et si c'était cette canne? Qui reprend le dessus, mais cette petite garde épinée sur orge, c'est un vrai délice. Oui. Monsieur le chef de gare. Monsieur le chef de gare. Oui, monsieur. Le train pour Paris, s'il vous plaît. Quai A, vous y êtes. Dans quelques minutes. Merci. Permettez-moi de vous féliciter pour le coup d'œil. Cette petite gare est charmante, très bien décorée. Vraiment, vous auriez la même chose à Paris. Je ferai des affaires d'or. Oui, je sais, monsieur Alphonse Allais m'a déjà dit la même chose. Eh ben voilà ce que c'est que de vouloir emprunter aux grands humoristes. Néanmoins, mes félicitations sont sincères. Merci, monsieur le chef de gare. Rouletabille. Oui, monsieur Larsan. J'ai retrouvé ma canne. Ah! Oh ben je vous demande pardon, monsieur, mais je regardais derrière moi et malencontreusement je... Eh ben mon bon maître, que vous arrive-t-il? Bah il m'arrive que les employés de cette gare sont nettement moins éduqués que leur chef, ça c'est vrai. Je viens de heurter un préposé, je lui présente mes excuses et puis il file sans dire un mot. Si j'avais su, tiens, je lui aurais tiré la barbe. Une jolie barbe blonde, ma foi. Une barbe blonde? Oui, oui, parfaitement. Oh, heureux que vous n'en ayez rien fait, mon cher maître, cet homme qui est censé appartenir à la Compagnie des chemins de fer français, est en fait un homme à moi. Ah. Que je paye pour surveiller les allées et venues des gens connus ou inconnus dans la gare. C'est très précieux. Vous pensez à tout. Puis-je vous poser une question, monsieur Larsan? Mais bien sûr. Nous nous connaissons déjà depuis un certain temps et je vous ai toujours vu vous promener les mains dans les poches. Depuis quand possédez-vous une canne? Mais c'est un cadeau que l'on m'a fait alors, depuis... Un cadeau récent? Et je pense bien, on m'a offert cette canne quand j'étais à Londres. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que vous entriez les bords de la Tamise. C'est indiscret de jeter un regard sur cette merveille. Oh, mais pas du tout, tenez, voilà l'objet. Ah, oui, mais les Anglais m'étonneront toujours. Ah oui, pourquoi? Parce qu'on vous a offert à Londres une canne française. Non. Mais comme je vous le dis. Bof, c'est bien possible. Tenez, regardez la marque. Cassette 6 bis avenue de l'Opéra. Ah, mais vous avez raison. Remarquez, on fait blanchir son linge à Londres. Pourquoi les Anglais n'achèteraient-ils pas leur canne à Paris? Mon bon Sinclair, je vous accompagne à votre compartiment. Oui. À bientôt, monsieur Larsan. À bientôt, mon jeune ami. Au revoir, maître. Au revoir, monsieur Larsan. Voici votre compartiment. Mmh. Allez, grimpez. Bien. Attention. Voilà. On se voit bientôt? Très bientôt. Vous avez retenu l'adresse pour la canne. Ah oui, oui. Cassette, 6 avenue de l'Opéra. C'est ça. J'y serai demain à la première heure et je vous envoie un mot. Hein. Quand je disais que vous étiez un collaborateur irremplaçable. Joseph? Oui. Vous êtes un pitre. Mais je vous aime bien. C'était « Le mystère de la chambre jaune » de Gaston Leroux. Adaptation Philippe Derez. Aujourd'hui, 10e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe Derez, Darzac, Michel Rull, Larsan, François Mestre, le père Jacques, André Weber, le professeur Stangerson, André Valmy, Dax, Marcel Charvet, la postière, Michel Amiel, le chef de gare, Georges Lucas. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Cocolle, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vien. Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe Derez. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Bonjour, monsieur. Que puis-je pour vous ? J'aurais besoin d'un petit renseignement, monsieur Cassette, concernant une canne portant votre marque et qui aurait été vendue le 23 ou le 24 octobre. Je voudrais que vous puissiez au moins me décrire le client. Oui, disons de ma taille, corpulence moyenne, légèrement voûté. Il porte un collier de barbe court, un par-dessus mastic, un chapeau blanc. Oh oui, effectivement, la description est claire. Elle correspond à un homme qui est venu acheter une canne. Attendez, je regarde mon livre. Ah, voilà. C'était le 23 vers 20h. Bien. Vous en vendez souvent des cannes ? Ben, la dernière que j'ai vendue, du même modèle, cela doit remonter à 2 ans. Je vous remercie infiniment, monsieur Cassette. À votre service, monsieur. La canne de Frédéric Larsan est neuve. Il s'agit donc bien de la même canne. Ce n'est pas lui qui a pu l'acheter puisqu'il se trouvait à Londres comme vous. Je pense que Darzac et la canne ont quelque chose à voir ensemble. Mais si, comme vous le prétendez, l'assassin était dans la chambre jaune depuis 5 ou 6 heures et que le drame a eu lieu vers minuit, l'achat de cette canne procure paradoxalement un alibi irréfutable à Robert Darzac. Voilà, mon cher Joseph, vous m'aviez demandé de me renseigner sur cette canne achetée chez Cassette. C'est fait, je vous serre les mains. Cher Sinclair, voilà du bon travail. du travail comme je l'aime. Elle, pauvre, s'il se doutait de ce qui se passe ici depuis 8 jours qu'il a quitté le château du Glandier. Bon, il faut qu'il revienne d'urgence. Je vais lui envoyer un télégramme. Qu'est-ce que c'est? C'est Clara, monsieur. Ah bon? Ben, entrez, Clara. Non, mais écoutez, c'est une maladie ou quoi? Vous avez vu l'heure? C'est un télégramme, monsieur. Bon, ben, donnez-moi le télégramme. Hein. Le télégramme. On roule ta bille. Pourvu qu'il n'y soit rien arrivé. Voyons. Venez au Glandier par le premier train. Stop à portée revolver. Au pluriel encore, tiens. Amitié Joseph, bon. Monsieur prendra son petit déjeuner? Mais oui, bien sûr. Allez, faites couler mon bain, sortez mon nécessaire de voyage, 2 costumes, vous mettrez sur le lit mon manteau, mes gants, mon chapeau... Ah non. Pas mon chapeau sur le lit, ça porte malheur. Non, vous mettrez mon chapeau sur la chaise. Allez. Monsieur s'en va pour quelques jours? Oh, bah avec Rouletabille, comment voulez-vous le savoir? Bon, allez, oulalo. Ah, Saint-Clair, c'est une véritable joie de vous retrouver, je n'y tenais plus. Ah, Joseph. Asseyez-vous. C'est bien la première fois que j'ai l'impression d'être indispensable. Ah. Ça va mal? Non, oh, ça va très mal. Mais qu'est-ce qui va mal? Mais tout va mal. Mais encore? Bon, mais... je pense que Frédéric Larsan est persuadé que Robert Darzac est coupable. Mais c'est ridicule. Mais... La canne. Mais pour l'instant, elle est toujours entre les mains de Larsan, qui ne la quitte pas. Mais peut-être, mais elle fournit un alibi en acier chromé à Robert Darzac, et ça, c'est important. Bouf, hélas, il n'y a pas plus d'alibi que de bord en broche. Pensez bien qu'au reçu de votre lettre, j'ai interrogé Darzac en douceur, tout dans la souplesse. Eh bien, il nie avoir acheté ce soir-là, ou un autre soir d'ailleurs, la plus anodine des cannes. Eh ben voilà autre chose. Ah vraiment, je ne sais plus où j'en suis. Ce Robert Darzac a des silences bien étranges. On ne sait pas exactement que penser de ce qu'il dit. Et ça me gêne, vous voyez, Saint-Clair. Ça me gêne énormément. Alors, Joseph, nous pataugeons dans le bizarre, l'insolite, le curieux. Oh, oui. Mon cabinet d'avocat à Paris me semble un havre de paix et de sérénité. Enfin. Bon, si j'ai bien compris, selon vous, Joseph, cette canne, dans l'esprit de Frédéric Larsan, est un objet précieux. Vous voulez dire, en quelque sorte, une canne à conviction. Mais de quelle façon? Hein? Bon, si l'on s'en tient à l'heure de l'achat, elle ne pouvait se trouver entre les mains de l'assassin au moment du crime, alors. Bon, si vous croyez que ça va gêner Larsan, mon bon Saint-Clair, il n'est pas obligé de s'en tenir à mon système. Moi, j'affirme que l'assassin est entré dans la chambre jaune entre 5 et 6 heures. Mais qu'est-ce qui l'empêche, lui, de prétendre que l'assassin a pénétré entre 22 et 23 heures, hein? Mais c'est idiot. Enfin, c'est juste au moment où Stangerson, sa fille et le père Jacques étaient là. Mais précisément, avez-vous déjà procédé à des expériences de chimie, mon bon maître? Mmh. Ah non, enfin, ça n'a qu'un rapport très lointain avec le barreau. Mais si vous l'aviez fait, vous sauriez qu'on se trouve très absorbé. Et en plus, la distraction des savants est proverbiale. Mmh. Alors, Larsan a laissé entendre au juge de marquer que l'assassin avait bien pu se glisser derrière le professeur Stangerson et sa fille, alors qu'ils étaient penchés sur leurs travaux. Mais c'est ridicule. Ça ne résiste pas à l'analyse. Ah, comme vous dites, c'est absurde. Alors, Larsan parle d'un familier qui aurait... Enfin, le familier, si familier il y a, devait savoir que le professeur Stangerson allait bientôt quitter le pavillon. Il aurait donc tranquillement attendu son départ, sans risquer de traverser le laboratoire sous ses yeux, non? Joseph, vous êtes-vous jamais livré à des expériences de chimie ou de physique? Moi? Ben jamais, en voilà une idée. Eh ben, tout le monde peut se tromper. Vous aviez l'air tellement sûr de vous tout à l'heure. Ah, oh, parce que le fait est sans importance, mon tout beau. Et qu'en l'occurrence, je ne peux pas me ranger aux idées de Frédéric Larsan. D'abord, j'ai pas de temps à perdre. car j'ai un système irréfutable, je vous le répète, qui me permet de ne pas me préoccuper des idées du brillant Larsan. Et vous lui en avez parlé? Enfin, avez-vous au moins tenté de disculper Darzac dans son esprit? Mais non, ça m'embête, mais non. Enfin, disons que momentanément, je suis obligé de me taire. Et en fait, tout pourrait finir par s'expliquer en ce qui concerne Darzac, si je n'étais pas là. Ah, et qu'est-ce que ça veut dire? Mon cher, il y a contre Robert Darzac d'autres signes extérieurs, autrement graves que cette histoire de Cannes, qui restent pour moi incompréhensibles. Eh oui, incompréhensibles. Et Larsan est toujours au château. Ouais, oh, il l'a guère quitté. Il y couche, comme moi, et sur la prière même de M. Stangerson. En somme, le professeur a fait pour lui ce que Robert Darzac a fait pour moi. Une étrange symétrie, n'est-ce pas? Vous trouvez pas? Non. Ah si, si, si. Voyez, Sinclair, le professeur Stangerson est accusé par le grand Frédéric de connaître l'assassin et d'avoir, dans une certaine mesure, favorisé sa fuite. Et il tiendrait, toujours d'après Larsan, à faciliter par tous les moyens la tâche de son accusateur. D'ailleurs, Robert Darzac a fait exactement la même chose pour moi. Mon cher, simplement, nous courons tous les deux après la vérité. L'ennuyeux, c'est que c'est pas la même. Vous êtes toujours persuadé de l'innocence de Darzac, hein, Joseph? Oh, à présent, oui. Quand nous sommes arrivés au château du Glandier, c'était pas évident. Mais qu'est-ce que vous dites? Ah, je vois pas pourquoi je vous le cacherai, mais j'ai cru pendant un instant à la possibilité de sa culpabilité. Écoutez, Sinclair, je crois que le moment est venu de vous raconter ce qui s'est passé entre Darzac et moi. Ah, dites donc, j'y pense, vous avez apporté les armes? Ah oui, absolument. Ah. Deux ravissants bijoux de chez Gastine Renette, les voilà. Oh, je vous en prie, Sinclair, ne les laissez pas dans la ceinture de votre pantalon. Si le coup partait, vous vous briseriez un doigt de pied comme un rien. Oui, enfin, dites-moi au moins s'ils sont bien choisis. Faites voir un peu. Oh, parfait, parfait, parfait, parfait, parfait. Très bien. Je vous les laisse en dépôt pour l'instant. Hein. Ah bon. Mais vous croyez que nous allons nous en servir? Dès ce soir, mon cher ami. Ah oui, nous passons la nuit ici. Ça vous ennuie pas? Moi? Pas du tout. Bon. Alors écoutez-moi, vous vous souvenez bien sûr de cette phrase qui a été le sésame ouvre-toi de ce château du Glandier. Je me souviens fort bien, vous avez dit, le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Vous voyez que j'ai une excellente mémoire. Parfait, absolument parfait. Et cette phrase, vous l'aviez retrouvée sur un morceau de papier à moitié carbonisé, dans les cendres de la cheminée du laboratoire. Oui, toujours exact. En bas de ce papier, la flamme avait respecté une date, 23 octobre. Oui, c'est ça. Et alors, que signifie cette date? Alors, pour l'instant, retenez-la bien, Sinclair, elle est très importante. Ben oui, mais alors expliquez-vous. Oui, mais j'arrive. Vous vous souvenez que l'avant-veille de l'attentat, c'est-à-dire le 23 précisément, le professeur Stangerson et sa fille, Mathilde, se sont rendus à une invitation donnée par la présidence de la République. Ah ben dites donc, vous êtes rudement bien informé, mon cher Joseph. Et quel est le rapport qui existe entre cette phrase et la réception élyséenne? Quelle curieuse manie vous avez, mon bon maître, de toujours poser au moins deux questions par phrase. Mais... enfin bon... J'ai assisté moi-même à cette soirée en tant que journaliste, oui. Je devais interviewer un des savants de l'Académie de Philadelphie qu'on fêtait ce jour-là. Mais mon cher Rouletabille, vous êtes décidément partout. Ah, c'est le propre d'un bon journaliste. Quant au rapport entre le 23 octobre et la phrase mystérieuse, écoutez-moi bien, Sinclair. Ce soir du 23 octobre à l'Élysée, j'étais assis dans le salon qui précède le salon des ambassadeurs. Et pour tout vous dire, je commençais à être fatigué d'entendre parler science. Fatigué d'avoir bousculé autant de personnages importants. Et bon, j'étais là. Je songeais à l'interview de mon savant philadelphien. En bref, j'étais tout bêtement en train de rêvasser. C'est alors que tout à coup, je sentis près de moi un parfum. Le parfum de la dame en noir. Le parfum de la dame en noir? Je savais que vous poseriez cette question. Mon cher Sinclair, c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. C'était celui d'une dame, toujours habillée de noir, et qui m'a témoigné dans ma toute première jeunesse une tendresse très maternelle. Mais Joseph, vous ne m'aviez jamais dit... La dame qui ce jour-là était discrètement imprégnée du parfum de la dame Renoir était, elle, curieusement, vêtue de blanc et merveilleusement belle. C'est une curieuse chose que la mémoire olfactive, mon cher Sinclair. Ah oui? Alors soudain, nu comme par un ressort, je me suis levé et j'ai suivi cette femme et son parfum. Elle était accompagnée, cette beauté, d'un homme âgé qui lui donnait le bras. Et dans l'assistance, chacun se détournait sur leur passage. Je viens souvent à l'Élysée. Mon mari est cousin du président. C'est la première fois que je les vois. Vous manquez à tout votre voir, ma chère. Vous n'avez pas reconnu le professeur Stangerson et sa fille? Malgré son nom, ce sont deux grands savants français. Édouard, c'est ça des savants? Mais oui, ma chère, c'est ça. Et c'est actuellement ce que nous possédons de mieux en ce qui concerne la fission de la matière. La fission de la matière? Quelle horreur, quel pathos! Je n'y entends vraiment rien. C'est sans doute un peu pour cela que nous sommes fiers de nous avoir. La femme est ravissante, cette toilette si simple. Si je comprends bien, ma chère, le physique a pour vous plus d'importance que la chimie. Oh, emmenez-nous au buffet, Édouard. Vous ne ferez plus d'esprit la bouche pleine. C'est drôle, c'était pas seulement son physique qui attirait les regards et l'admiration, mais je crois son âme surtout. Oui, je sais, c'est un peu ridicule de dire ça, mais elle avait, comment dire, elle avait son âme dans les yeux. Oh, oh, oh. Mon cher Joseph, vous en parlez avec le romantisme du 19e siècle. Bref, j'en étais là de mes réflexions quand Robert Darzac, que je connaissais de vue, aborda le professeur et sa fille. Ah, professeur. Oui, Robert. Ah, je suis heureux de vous retrouver dans cette cohue. Je traîne avec moi le professeur Arthur William Rents, qui tient absolument à vous parler. Je ne saurais lui refuser ce plaisir. S'il vous plaît. I'm very glad to see you, professor. Oh, thank you, Mr. Stangerson. Miss Stangerson, I'm very happy. You're welcome. Oh, vous savez que je parle français. J'entends ça. Qu'en dis-tu, Mathilde? Mais que les Américains sont capables de tout. Non, Mr. Stangerson, cher ami, j'aimerais avoir avec vous quelques instants d'entretien. Avec joie, nous allons essayer de nous isoler. J'ai été passionné par la lecture de votre remarquable communication à l'Académie des sciences qui traite de la déperdition des corps électrisés sous l'influence des ultraviolets. Je vous remercie. Mais j'aperçois la qualité qui n'attend que nous. Oh, splendid! Alors, le professeur Stangerson et Sir Arthur William Rents s'installèrent sur le canapé de la galerie et la conversation s'engagea. Et moi, j'étais fasciné. Je regardais la femme en blanc et en même temps, je respirais le parfum de la dame en noir. Mathilde, vous êtes si pâle. Vous semblez souffrante. Voulez-vous que nous échappions quelques instants à cette atmosphère irrespirable? Je veux bien. Merci, Robert. Allons faire un tour dans le jardin. L'air frais va me faire du bien. Oui. Il faisait ce soir-là un temps très doux. Alors Mathilde Stangerson jeta un châle léger sur ses épaules et je vis bien que c'était elle qui incitait Robert Darzac à s'éloigner dans la solitude du jardin de l'Élysée. Je les suivis, bien sûr. Ils étaient là, ils marchaient à pas lents, le long du mur qui longe l'avenue Marigny, vous savez. Ils se tenaient par la main. Moi, j'avais pris l'allée centrale pour marcher parallèlement à eux, et à un moment, je coupais à travers la pelouse pour me rapprocher d'eux. La nuit était très sombre, le gazon étouffait mes pas. Et je les entendis. Mathilde, ma chérie. Vous avez quelque chose à me confier, n'est-ce pas? Oui, Robert. Tenez. Oui? La lueur de ce réverbère doit vous permettre de lire ce papier. Ils étaient arrêtés, là, sous la clarté un peu vacillante d'un bec de gaz. Et à un moment, ils se penchèrent, tous les deux, sur un papier que tenait Mathilde Stangerson. Ils semblaient passionnés par cette lecture. Tout à coup, j'entendis distinctement Mathilde Stangerson lire à voix haute. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Oh, Robert, Robert, qu'allons-nous devenir ? Elle avait dit ça sur un ton désespéré. Et je crois bien que cette voix douloureuse restera longtemps présente à mes oreilles. Et Darzac ? Ah, bouleversé lui aussi. Et à la fois blême de fureur, égaré, perdu. Tout à coup, il se saisit de la main de Mathilde Stangerson et, comment vous dire, il la baisa religieusement. Puis il la regarda un long moment avant de s'écrier « Mathilde, Mathilde, comme je vous aime. Faudra-t-il donc que je commette un crime pour vous avoir à moi ?» Mathilde prit entre ses mains le visage de Robert, essuya avec douceur deux larmes qui y coulaient. Elle s'approcha tout doucement de lui à le toucher et lui déposa au bord des lèvres un baiser d'une infinie tendresse. Et ensuite ? Ensuite, ils s'éloignèrent. Et naturellement, vous les avez suivis ? Oui, du moins, je le croyais, mais une fois retourné dans la grande galerie, il me fut impossible de repérer Robert Darzac. En fait, je ne devais plus le revoir. Qu'à notre arrivée au château du Glandier après le crime. Mmh. Par contre, j'aperçus Mathilde Stangerson, son père et les délégués de Philadelphie. Et auprès d'elle, Arthur Rance, qui lui parlait avec animation et les yeux de l'Américain pendant cette conversation brillaient d'un éclat... D'un éclat ? Oui, d'un éclat étrange. Mathilde Stangerson prêtait à ses discours une oreille distraite et une mine qui frisait l'indifférence. Miss Stangerson, je ne parviendrai jamais à m'expliquer comment on peut être à la fois aussi savante et tellement ravissante et élégante. Oh, si, je ne vois qu'une seule solution. It is miracle of Paris. Oh, please, Mr. Rance. Je préfère mon explication à la vôtre. Oh, je vous écoute. Je suis certainement moins savante que vous ne semblez le croire. Mais vous, en tout cas, vous êtes plus flatteur que vous ne le paraissez. Oh, et tout de même, je ne connais pas une autre femme au monde à qui l'on puisse parler de la fission de l'atome, de l'électroscope condensateur ou de physique nucléaire sans le faire immédiatement bâiller. Et vous, Miss Stangerson, cela vous fait tout simplement sourire. Savez-vous, c'est ce que me disait votre père il y a un instant. Non, mais je sens que vous allez vous faire un devoir de m'en informer. Le professeur Stangerson me disait le pas important que vous avez pris à la rédaction de son ouvrage « Matière fissible » dont le manuscrit disparu alors que vous étiez encore aux États-Unis. Vous avez tout à fait raison, mon cher Vance. Ma fille est mieux et davantage que la meilleure des collaboratrices. Oh, n'en croyez rien. Mon père est modeste à l'égard de toutes ses œuvres, sauf lorsqu'il s'agit de moi. Non, il se fait tard, je pense que nous devrions rentrer. En effet, père. Vous nous excusez, n'est-ce pas, mon cher Rance ? Il nous faut saluer le président et sa femme et nous avons ensuite un long chemin à faire pour regagner le château du Glandier. Oh, je vous en prie. J'ai été ravi de cette soirée. Et je compte bien que nous aurons encore l'occasion de parler de vos travaux. Vous serez toujours le bienvenu au château. Oh, thank you. Thank you. Thank you again. You're welcome. You're welcome. Le parfum de la dame en noir. Oh, monsieur. Monsieur, excuse me. Je vous en prie. Est-ce que vous ne seriez pas ce reporter qui nous a interviewés cet après-midi après la clôture du congrès ? En effet, professeur Rance. Ah ! J'ai une merveilleuse mémoire de visage. Mais pas celle des noms, c'est ça ? Oh, absolument. Attendez. Mr. Poustabi. Oh. Non, Mr. Lance Tabal. Non, aidez-moi, je vous prie. Non, Poustabi. Oh. I am very terribly sorry. Mais je vous en prie, vous êtes tout excusé. Puis-je vous être utile en quoi que ce soit ? S'il vous plaît. J'aimerais beaucoup que vous m'accompagniez au buffet. Ah, j'ai horreur de boire seul, comme beaucoup de mes compatriotes. Eh bien, je lèverai donc mon verre en l'honneur de votre pays. Hey, le mien ou vôtre ? Oh, en réalité, j'adore le gin. Voilà. Je crains hélas que ce ne soit pas une boisson très élyséenne. Ah. Par contre, je vous recommande le champagne. Oh, parfait. Barman ? Oui, monsieur. Donnez deux coupes de champagne, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Oh, mais vous le versez dans le verre à soda, please. Dans des verres à soda? Absolument. Ça, nous viendrons vous voir moins souvent. Voilà, messieurs, deux coups. Merci beaucoup. Merci bien. Et là, comme ça, vous restez encore quelque temps en France, monsieur le professeur. Oh, très peu de temps, en fait. Je repars le 26. Ah, oui. Je vous ai vu en grande conversation avec le professeur Stangerson et sa fille. Vous les connaissez depuis longtemps? Je ne sais pas, je ne sais plus. Cela fait si longtemps. Je les ai connus à Philadelphie. Ah, des temps, ça fait un sacré bout de temps, hein? Oh, je pense bien. Je vais rechercher un autre verre. Ah, excellent. Oui. Vous m'attendez là? Je vois que vous le voulez. Non, mais je vous en prie. Tout de suite. Dites-en, Joseph, ça m'a l'air d'être un fameux numéro, votre Arthur William Rentz. Un redoutable pochard. Et il ressemble à quoi? Oh, un sanguin, avec le visage complètement couperosé. Je dirais sensiblement du même âge que Stangerson, pas très grand, corpulent, des cheveux blonds, un peu filasses. Oui. Et sympathique? Oui, pas antipathique en tout cas. Mais alors, j'ai vraiment cru qu'il ne s'arrêterait jamais de boire. Ah, incroyable, une véritable éponge. Bref, je l'ai quitté en le confiant à deux huissiers qui l'ont certainement hissé dans un fiacre. Le malheureux, il a dû avoir une gueule de bois carabinée. Et ensuite? Ensuite, j'ai quitté l'Élysée, je suis rentré chez moi. Intrigué? Oui. Et bouleversé. À cause de... Oui. J'avais retrouvé le parfum de la dame en noir. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Reims. Aujourd'hui, 11e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Reims, Clara, Daniel d'Anjou, Darzac, Michel Rull, Mathilde Stangerson, Evelyne Selena, le professeur Stangerson, André Valmy, Cassette, Gaëtan Jor, Sir Arthur Rentz, Philippe Clay, et les voix de Michel Amiel, Marek Achour, Georges Lucas, Michel Morano. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Ces deux épisodes ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 12 et 15 août 1983. Vous pourrez les réécouter en ligne durant 1000 jours ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».